le méga plein air show avec Yves Laroche sur CGIT FM. Fish on! Fish on! Fish on! Yeah! On continue notre émission spéciale en direct de l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre. Et puis, en début d'émission, on vous a dit qu'on discuterait avec tous les moniteurs. Puis, on vous a nommé un certain Salade. Et puis, ben, on est en sa compagnie. Salade, comment ça va? Ça va très bien, oui. Tu sais, aujourd'hui, tu as été aussi, en plus d'être le moniteur des académiciens ou des stagiaires, tu as été mon moniteur aussi pour la pêche à la carpe. Eh oui, on est allé pêcher la carpe aujourd'hui. On en a quand même pris 4, donc c'est une bonne journée. Ouais. Et je pense que tu as quand même apprécié cette journée. C'était assez nouveau, mais intéressant. Bon, Salade, là, ça c'est ton surnom pour l'académie, c'est ça, comme moniteur? Oui, malheureusement, Salade. Comment ça? Ben, l'autre moniteur, Rapace, un jour, décidait qu'il fallait avoir des noms de camp. Je me disais, bah, pourquoi pas? Et à ce moment-là, je cuisinais une salade. Le nom est tombé. Et depuis ce temps-là, c'est le nom. Ouais, OK. Mais ton vrai nom? Mon vrai nom, c'est Raphaël Lavergne. Ouais. C'est un peu différent. Ouais, c'est un peu plus beau aussi. Oui. Mais je pense que les jeunes apprécient. Oui, complètement. Et on s'amuse. Là. Oui, on s'amuse. Toi, tu as débuté l'Académie de pêche ici comme académicien, comme stagiaire. Oui, à 12 ans. À 12 ans. Oui. Wow. Comment c'est arrivé ça? Tes parents étaient-tu pêcheurs? Pas du tout. Je suis le seul de ma famille à pêcher. Ouais. Ouais. Toi, tu es originaire de Montréal. Oui. Ça, c'est un problème que les gens... Je dis un problème, mais c'est un beau problème, là. Les grandes villes du Québec qu'on a, là, les grands centres, là, on n'a pas toujours l'opportunité, justement, de faire des activités de plein air, de chasse ou de pêche, où souvent, nos parents n'ont pas été initiés à ça. Oui, c'est un fait. Tu sais, puis comment que tu as découvert l'Académie de pêche? Je pense que c'était dans Sentier Chasse et Pêche. Il y avait un article de une page quelque sur l'académie. Je me suis dit, ça me semble intéressant. Donc, l'année prochaine, l'année d'après, j'y suis allé. Okay. Et depuis ce temps-là, c'est la belle histoire. Ouais, mais là, comment t'as convaincu tes parents, toi, qui sont pas pêcheurs? Ben, ils savaient que j'adorais la pêche. Ils sont pas idiots, ils s'en sont rendus compte. Et ben, ils m'ont offert ça comme cadeau, parce que j'avais eu des bonnes notes à l'époque. Là, aujourd'hui, toi, t'es moniteur. Oui. Après 3 ans comme stagiaire. Oui. C'est ta deuxième année là, comme moniteur? Effectivement. C'est pas ton emploi pour l'été? Oui, c'est mon emploi pour l'été. Tout l'été, je fais ça. Et le reste de l'année, je suis étudiant en temps plein au cégep. OK. Quoi tu étudies, juste pour le fun? Histoire, civilisation à Bois-de-Boulogne. Donc, je suis vraiment hors de mon milieu ici, mais ben j'adore ça. De où est venue ta passion pour, justement, pêche à la carpe? Parce que moi, je t'écouterais là, pendant des jours et des jours. Là. La pêche à la carpe, ben, je pense qu'à la base, je suis quand même un peu un intellectuel. OK. Et la pêche à la carpe, ça peut être très intellectuel. On peut devenir excessivement compliqué en pêchant la carpe. Et ça m'a intéressé le côté un peu mystérieux du poisson, pas grand monde en pêche, l'expérimentation. Donc, pour ça, j'adore la pêche à la carpe. Ouais. Puis, il y en a dans la région de Montréal aussi. Énormément. Tout le bassin versant du fleuve Saint-Laurent est rempli de carpes. Est-ce que tu trouves que les Québécois, les pêcheurs québécois, négligent cette espèce de poisson-là, toi? Oui. Mais le pêcheur québécois moyen néglige beaucoup d'espèces de poissons, dont la carpe. Et c'est dommage, parce que les combats que ça donne, c'est incroyable. C'est des gros poissons. Ouais. Toi, là, tu te fais un devoir de remettre à l'eau chacune des captures, puis tu laisses le moins de traces, le moins de blessures. Tu prends des précautions vraiment exceptionnelles là, avec les poissons, hein? Oui, j'ai un filet spécial pour pas abîmer leur écaille. J'ai un tapis de réception pour pas les blesser quand on les met sur des roches ou pour leur permettre de rester humides. Et on fait toujours attention aux poissons parce que pêcher un poisson dans le but de le remettre à l'eau et le blesser, ça serait complètement stupide. Si on veut le remettre à l'eau, on va s'arranger pour qu'il reparte toujours en bonne condition. C'est simplement ça. Puis, est-ce que tu as déjà mangé de la carpe? Une fois, mais c'était pas une carpe que j'avais pêchée. C'était de la carpe fumée. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas une espèce que les Québécois vont consommer beaucoup. Non. C'est plus les cultures asiatiques, je crois, qui sont plus intéressées par la chair de la carpe. Hein? Oui, c'est pas une chair qui est mauvaise. Mais comme poisson de sport, moi, je trouve que c'est très bien et ça me va. Pas besoin d'en manger. Mais moi, que j'ai été impressionné, là, c'est de voir les yeux des jeunes. Oui. Tu sais, puis chacun leur tour. L'ordre avait été au préalable déterminé qui allait ferrer chacun des poissons après l'autre. Il y en avait qui avaient déjà de l'expérience, d'autres qui n'en avaient pas. Mais chapeau, parce que ça marchait très, très bien. Tu as des qualités. D'après moi, tu as des qualités pour devenir peut-être un jour professeur, toi. Effectivement, je veux être professeur d'histoire. Quelle coïncidence. Donc, je pense que c'est vraiment ma voie à enseigner à des jeunes, la carpe ou l'histoire. Pour moi, c'est la même chose. Écoute, Raphaël, je dois te dire une chose. Je te remercie infiniment de m'avoir, premièrement, initié à la pêche à la carpe. Il n'y a pas de quoi. L'autre chose, je te félicite de la façon que tu te conduis avec les jeunes. Tu fais attention à leur sécurité. Tu leur donnes des bons conseils, justement, pour être de meilleurs pêcheurs. Puis c'est notre élève. Oui. Comme... toi aussi, t'as passé par oui, là. Je suis la relève en partie, là, mais... Puis j'espère qu'on va se recroiser à un moment donné dans une partie de pêche ou peut-être même ici à l'Académie oui, de pêche. Pour une autre pêche à la carpe. Ah, sait-on jamais. Et puis, ben bonne continuation. Ben, merci beaucoup, à vous aussi. Alors, c'était la dernière chronique, justement, pour notre spéciale Académie de pêche du lac Saint-Pierre. Ne quittez pas parce qu'on poursuit après avec la chronique CEPAC en compagnie d'Hélène Ayotte. Vous êtes à votre méga plein air show.